commencer la soirée, je vais vous interpréter un air qui nous vient d'outre-Atlantique. Il arrive avec douceur du pays de la langue, où les femmes ont des saveurs poivrées de fruits exotiques. Ces petits accords câlins vous entraînent par la main, oubliant les fracas frénétiques. Loin des fureurs et du bruit, il vient en catimini distiller un bonheur discret, dégusté sans retenue ce cadeau de bienvenue, délicate bouffée d'oxygène. Laissons dormir la sono et swingons manantropo sous la baguette de ce maestro, la brésilienne. Depuis que je t'ai connu, tu ne m'as jamais déçu, et mon émotion reste la même. Que la soirée est belle, vous êtes la fidèle. Je voulais en vous retrouvant ici vous dire simplement merci.